mama. Est-ce que ça va changer? Tous les matins je me lève très tôt, parce qu'un je vis dans le ghetto. Je nyama le bâton et le haricot, et je me wash dans le marigot. Tous les matins je me lève très tôt, parce qu'un je vis dans le ghetto. Je nyama le bâton et le haricot, et je me wash dans le marigot. Je suis né et je vis dans les élobies. La musique et le football sont mes hobbies. On l'aide, je banque les mêmes habits. Si tu vois où je stay, tu seras ébahi. C'est une maison en Calabot. On les mounafoka pour me sabote. Malgré cela, je garde la tête haute. Si je suis une famille pauvre, ce n'est pas de ma faute. Bebe la zamba, me te wakat. Que mes frères et moi, on dort sur une même natte. Notre maison a les coups et les ouvertures. Le froid nous frappe la nuit parce qu'on n'a pas de couverture. Quand il pleut chez nous, on fait attention, car nous ne sommes pas à l'abri des inondations. On cohabite avec les capas et les souris, et chez nous, la nourriture n'a jamais pourri. Tous les matins, je me lève très tôt, parce qu'un, je vis dans le ghetto. Je nyama le bâton et le haricot, et je me wash dans le marigot. Tous les matins, je me lève très tôt, parce qu'un, je vis dans le ghetto. Je nyama le bâton et le haricot, et je me wash dans le marigot. Pour expliquer que vivre le tout avec la vie du ghetto. Aïe, both talent teams came along, sound of peace came along, and love the jazz teams, come to L.E. and one love the same song. Tous les matins je me lève très tôt, parce qu'un je vis dans le ghetto. Je nyama le bâton et le haricot, et je me wash dans le marigot. Tous les matins je me lève très tôt, parce qu'un je vis dans le ghetto. Je nyama le bâton et le haricot, et je me wash dans le marigot. Chez nous, la galère a toujours régné. Chez nous, il y a l'étoile d'araignée. C'est dans le marigot que je me suis toujours baigné. C'est chez Magne que je jazz avec les beignets. Chez nous, on brosse les dents avec le savon, car le dentifrice coûte cher, nous le savons. Chez nous, la vie n'est pas du tout chic. Nos cheveux, on les fout et nos pieds, on les chic. Chez nous, dans le ghetto, ça joue Shanghai. À chaque seconde, à chaque minute, un enfant baille. Parce que la famine envahit ses entrailles, car le pâté et la matière n'ont pas de maille. Ce n'est pas parce que nos parents n'ont pas de salaire que chez nous on respire un sale air. C'est beaucoup plus à cause des maritages, les eaux usées et les immondices font que ça dégage. Tous les matins je me lève très tôt, parce qu'un je vis dans le ghetto. Je nyama le bâton et le haricot, et je me wash dans le marigot. Tous les matins je me lève très tôt, parce qu'un je vis dans le ghetto. Je nyama le bâton et le haricot, et je me wash dans le marigot. A grown up ghetto, a school up ghetto, a big ghetto pikino. One love, I beg tell them, say we be ghetto children. I was born in the ghetto, a school in the ghetto. One love, tous les jours, I beg tell them, on espère un jour sortir du ghetto. Et à date, c'est pour cela que on s'élève très tôt. Malgré que le système nous met le veto, nous, on aimerait un jour devenir comme Samuel Eto'o. Ou alors Sergio Polo.